En Corée, le rassemblement au niveau central consacré au 70e anniversaire du commencement des premiers travaux de transformation de la nature par le président Kim Il-sung s'est déroulé le 20 devant le monument aux travaux de réaménagement de la rivière Botong à Pyongyang. Y ont pris part le vice-premier ministre Kim Yong-jin, les officiels intéressés et les travailleurs de la ville. L'orateur a indiqué que le président a pris l'initiative du réaménagement de la rivière Botong et s'était présenté le 21 mai de l'an 35 du juillet 1946 au chantier de commencement des travaux pour prononcer le discours historique et pris en personne les premières pelletées de la grande transformation de la nature. Il a ajouté que grâce à sa direction éclairée, la Corée s'est débarrassée entièrement des dévastations et des traces de destruction de la société coloniale et de la guerre sanglante pour se transformer en paradis du peuple où il fait bon vivre et travailler. Il a dit que la cause historique de la grande transformation de la nature s'est développée brillamment au niveau plus élevé sous la direction du général Kim Jong-il. Il a souligné de redynamiser la transformation de la nature et d'opérer un tournant révolutionnaire dans l'entretien territorial en suivant fidèlement les recommandations des grands leaders et le dessein du maréchal Kim Jong-un en matière d'entretien territorial.